Votre émission en balado débutera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Les balados sont écoutés par des personnes dynamiques, ouvertes d'esprit, qui savent à chaque moment ce qu'elles veulent. Tout comme vous, les employés du cabinet comptable Mallette les écoutent. Venez vous joindre à nous, comme clients, comme employés. Vous savez comment nous trouver. Mallette comptable. Votre émission en balado débute dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'affaire Lucien Rivard. Je pense personnellement, sur la base de mon expérience, que Rivard, avec ses associés, Mondoloni par exemple, qui était au Mexique, Coppola, alias Miller, qui était aux États-Unis, je pense que Rivard était probablement le plus gros trafiquant en stupéfiants que l'Amérique du Nord ait connu. Pierre Lamontagne, l'avocat qui a été mandaté à l'époque par le gouvernement américain pour procéder à l'extradition de Lucien Rivard aux États-Unis dans les années 60, à l'émission Le Sextant en 1966. Lucien Rivard a-t-il vraiment été le plus important trafiquant de stupéfiants que l'Amérique du Nord ait connu? On peut en débattre, évidemment, mais une chose est certaine, il a été, sans conteste, un poids lourd du crime organisé dans les années 50 et 60, et son nom reste associé, aujourd'hui encore, à l'un des plus importants scandales politico-judiciaires de notre histoire. Lucien Rivard aimait sa femme. Lucien Rivard avait du chagrin. Il la voyait que les dimanches et les gardiens n'en savaient rien. Tous les barreaux de la prison de Bordeaux, tous les barreaux s'en rappellent. La femme de Rivard était fidèle. Puis les gardiens faisaient de l'argent. Bien, je partais de la maison vers 7h15 et puis je m'en allais à mon bureau, puis au coin de Poincaré et de Montvalade, il y a un arrêt pour automobile. Et puis j'ai fait l'arrêt. La première chose que j'ai su, les deux portes d'auto sont ouvertes. Et puis je me suis trouvé assis dans le milieu du siège avec deux personnes à côté de moi. Et à ce moment-là, celui qui voulait conduire l'auto m'a dit, bien, remets la clé dans l'ignition parce que l'autre est armé, puis énerve-toi pas, excite-toi pas, on te fera pas de mal. Tout ce qu'on veut, on sort de la prison de Bordeaux puis on veut s'en aller. Et puis celui qui conduisait la voiture m'a demandé si je le connaissais. J'ai dit non, je ne le connaissais pas, je n'étais pas intéressé de le connaître. Et puis à ce moment-là, ben, il m'a dit, écoute, je m'appelle Lucien Rivard. Je me suis retourné, puis c'est à ce moment-là que je l'ai reconnu, parce que vu que sa photographie a passé à plusieurs reprises depuis quelques semaines sur les journaux. Comment avez-vous récupéré votre voiture? En cours de route, ils m'ont demandé mon numéro de téléphone. Je leur ai donné le numéro de téléphone du bureau. Puis ils m'ont avisé à ce moment-là que dans une demi-heure ou trois quarts d'heure après, qu'ils m'auraient laissé, qu'ils me rappelleraient pour me dire où c'est ma voiture. Et puis, vers 8h05, le téléphone a sonné. Il m'a dit que ma voiture était stationnée au terrain de Dominion, au coin de Fleury, Mont de Saint-Michel. Tous les barreaux de la prison de Bordeaux, tous les barreaux s'en rappellent. Après le party de la veille, Lucien Rivard a sacré le camp. Sur une chanson interprétée par Jacques Desrosiers à l'époque, consacrée donc cette chanson à Lucien Rivard, sur l'air, vous l'aurez reconnu probablement, de Jack Monoloy de Gilles Vigneault, vous entendiez le témoignage du propriétaire de la voiture dans laquelle Lucien Rivard et un de ses acolytes se sont retrouvés après leur évasion de la prison de Bordeaux en mars 1965. Pour nous raconter cette croustillante affaire Rivard, je reçois mon collègue, le journaliste Marc Laurendeau. Marc Laurendeau, bonjour. Bonjour, Jacques. Il y a tout là-dedans. C'est très, très rocambolesque, mais il y a tout, il y a plein d'ingrédients qui font de cette histoire une histoire absolument unique. Comment décrire la nature de cette affaire-là? Ben, d'abord, une question de droit fort intéressante, de droit criminel, l'extradition, on voulait extrader Lucien Rivard, et une tentative de corruption d'un officier de justice. Il y a aussi la dimension politique des choses. Est-ce que le ministre Guy Favreau a bien géré ce dossier, ministre de la Justice? Est-ce qu'il y a eu des ingérences extérieures, des tentatives d'infléchir le cours de la justice? Ouais. Porter atteinte à son indépendance. Et puis, une évasion. Ouais. Rivard, le passe-muraille, c'est-à-dire que c'est mystérieux tout ça. 136 jours de cavale et la population en a perdu un peu ses repères. Ouais. C'est vraiment fabuleux comme histoire. Puis on va prendre le temps de bien la raconter avec vous aujourd'hui. Commençons par peut-être parler des deux principaux protagonistes qui se retrouvent dans cette histoire-là. Le ministre fédéral de la Justice, Guy Favreau, on en parle dans un instant. Mais d'abord, le principal intéressé, Lucien Rivard. Qui est-il? Qui est Lucien Rivard? Il a 49 ans au moment du scandale. Né 9e d'une famille de 12 enfants. Il a des emplois précaires durant la crise sur les chantiers de construction. construction. Quand je dis la crise, c'est le crash de 1929. Il commet des petits larcins qui lui vaudront 3 ans de pénitencier. Dans les années 40, Lucien Rivard se retrouve dans le red light, sur la Main, comme on dit, c'est la rue Saint-Laurent, où il agit comme petit trafiquant, pusher, il fait circuler de la fausse monnaie aussi. Et progressivement, il devient un organisateur et un chef de bande. Son atout, c'est qu'il parle français. Il est le point de jonction entre la mafia corse et du sud de la France et le marché américain. Ah bon. Et on le trouve de bon commerce. Et dans les années 50, il fait par semaine des sommes fabuleuses que les policiers ont évaluées. Un revenu annuel brut en dollars d'aujourd'hui, de 2018, des sommes de 4 millions par an. C'est un gros, gros, gros trafiquant. Ouais. Et le clan italo-montréalais des Cotroni trouve que Lucien Rivard leur marche sur les pieds. Ouais. Alors, pour éviter l'affrontement avec Lucien Rivard, celui-ci a la sagesse de s'en aller vers Cuba pour éviter de les affronter. À Cuba, il devient un très gros joueur du monde interlope international. À l'époque de Batista. Oui, oui, oui. Il devient seul propriétaire des cabarets Les Nuits d'Ève, Le Cupidon, Le Pigalle, Le Sans Souci, un cabaret de luxe, qui est aussi un casino. Et tout en étant source de profit, ces établissements servent de façade à son activité importante, le trafic d'héroïne et la vente illégale d'armes. À la fin des années 50, Lucien Rivard, il paye 20 000 $ par semaine en ristourne pour protection au dictateur Fulgencio Batista. 20 000 $ par semaine. Et en 59, le vent tourne, comme vous savez. C'est Fidel Castro qui prend le pouvoir. Lucien Rivard est alors emprisonné. Il va faillir y passer, là, oui, à ce moment-là. Le sort qu'il attend clairement, c'est l'exécution. Ouais. Mais on ne sait pas ce qui se passe. C'est Raymond Daou, le criminaliste, qui s'en va à Cuba. On ne sait pas quel argument il a invoqué, quel argent il a pu donner. Mais Lucien Rivard peut quitter. Ouais. Il quitte même avec 175 000 $. On le laisse partir, en somme. Ouais. Chanceux. Il revient à Montréal, sur l'île Jésus, Sainte-Rose, près de la rivière des Mille-Îles. Et là, il acquiert le domaine de la plage idéale, qui est une légende à l'époque, et qui devient une nouvelle façade pour son activité principale. Faire passer d'énormes quantités d'héroïne pure. L'autre personnage important dans cette affaire, Lucien Rivard, c'est le ministre fédéral de la Justice, Guy Favreau. Il va être éclaboussé dans cette affaire-là. C'est lui qui va demander qu'il y ait une commission, d'ailleurs, pour éclaircir un petit peu l'aspect juridico-politique de l'affaire. Qui est-il, Guy Favreau, Marc Laurendeau? Guy Favreau, 47 ans au moment du scandale, juriste de grande qualité, civiliste très consulté, ayant rapporté de nombreuses victoires devant les tribunaux. Guy Favreau enseigne le droit à l'Université de Montréal, l'Université d'Ottawa. Il fait un bout de carrière dans la fonction publique fédérale, même. Il devient sous-ministre de la Justice. Tout change en 1963 quand il devient député de Papineau. Le comté, d'ailleurs, de Justin Trudeau, maintenant. Mm-hmm. Et son ascension politique est dès lors fulgurante. Guy Favreau devient un ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration qui a fait de nombreuses réformes, qui décongestionne le système d'admission des immigrants au pays et qui hausse, d'ailleurs, le nombre d'immigrants admis au pays. Il est guidé par des motifs humanitaires à cette époque. Et c'est pour ça que plusieurs années plus tard, on a construit à Montréal, plusieurs décennies plus tard, devrais-je dire, le complexe Guy Favreau. C'est vraiment une étoile montante à ce moment-là. Très montante. Ouais. Au bout de quelques mois, Guy Favreau est muté, il est nommé ministre de la Justice, leader du gouvernement en chambre. Le premier ministre Lester B. Pearson le voit comme son éventuel successeur, avis partagé par la députation libérale. Guy Favreau est brillant, désintéressé, sincère, dévoué, tenace, d'une grande droiture, reconnu pour sa probité. Ouais. Il compte pas les heures, il se tue au travail. Mais il lui manque peut-être l'instinct, le flair politique. Et ça va lui jouer des tours, puis on y reviendra un peu plus tard au cours de l'émission. Mais on revient pour l'instant à Lucien Rivard. Ce qui va devenir l'affaire Rivard, ça commence avec son inculpation pour trafic international de drogue par un grand jury du Texas en janvier 1964, Marc Laurendeau. Comment on arrive à inculper Rivard pour trafic de drogue? Il a un système, c'est-à-dire qu'il envoie au Mexique des complices sans dossier judiciaire. Il fournit la voiture. Et là, c'est un couple, le mari et la femme, qui vont aux États-Unis, qui vont au Mexique aussi, ils font remplir la voiture, elle est bourrée d'héroïne et elle retraverse la frontière américaine. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'un des complices, Michel Caron et sa femme Marida, sont arrêtés et fouillés à la douane américaine de Laredo, au Texas. Au bout de quelques jours, Michel Caron finit par craquer. Il identifie Lucien Rivard, la French Connection, ses complices sur place, si vous voulez, sur l'île Jésus. Mais un témoin se passe, il en faut un autre. Ouais. Il faut de la corroboration. Et là, un autre complice de Rivard, Roger Beauchemin, qui est dans l'entourage là, sur l'île Jésus du domaine idéal, il se met à table. Un procès est donc possible à Laredo, au Texas, et c'est Robert Kennedy, nul autre, Attorney General des États-Unis à ce moment-là, qui signe une demande d'extradition de Lucien Rivard, un procureur ad hoc, parce qu'il travaille dans un gros bureau d'avocats, oui. Geoffrion Prudhomme, je pense, et qui a ces mandats-là et qui agit avec la GRC de concert pour obtenir l'extradition de Lucien Rivard. Ce procureur-là, c'est celui qu'on entendait au tout début de l'émission, Pierre Lamontagne. Quand et comment l'affaire prend-elle une tournure politique, Marc Laurendeau? Ben, Lucien Rivard est propriétaire de la plage des Halles. Là-bas, il est perçu comme un citoyen apparemment honorable, un investisseur respecté par les autorités locales. Bon, député, je viens de l'île Jésus. On lui demande même, suprême ironie, d'être président honoraire du club juvénile de la police. Imaginez. En prison, ben, lui, il a encore ce réseau-là. Là. Il décide d'activer ses nombreux contacts politiques, ouais. Son réseau. C'est alors que maître Raymond Denis, jeune avocat, qui est alors chef de cabinet du ministre de l'Immigration, contacte son confrère de classe, Pierre Lamontagne, 29 ans, et le convoque le 14 juillet 64 à son bureau à Ottawa. Il faut dire que Raymond Denis est très familier. Là. C'est lui qui a aidé Lamontagne en grande partie à obtenir ses mandats de la GRC. Alors, Raymond Denis est chargé par les hommes de main de Lucien Rivard et par les alliés politiques aussi de Lucien Rivard au Parti libéral fédéral de persuader son confrère de se montrer mou sur la question du cautionnement de Lucien Rivard. Maître Raymond Denis prend alors un risque incroyable, c'est-à-dire qu'il offre même 20 000 $ c'est beaucoup pour l'époque, à son confrère, Maître Lamontagne. Un pot de vin, carrément. Ah oui, vous avez raison. Pour qu'il ne s'oppose pas à la demande de cautionnement de Lucien Rivard. Et il fait valoir aussi que, quand même, Rivard, c'est un gros donateur pour la caisse du Parti libéral du Canada. Ça va être bon pour le parti. Bon, sur le coup, Pierre Lamontagne va se contenter de refuser. Ça le scandalise, évidemment, mais il dira rien. Il accepte même que Raymond Denis vienne saluer sa femme à l'hôtel où il séjourne. Pierre Lamontagne reste courtois, mais cette offre le préoccupe. C'est contraire à ses principes, mais il n'a pas l'intention de parler. Jusqu'à ce que les coups de fil se multiplient. D'abord, l'avocat de Lucien Rivard, maître Raymond Daou, qui appelle et qui tient pour acquis que Pierre Lamontagne a accepté le pot de vin et ne s'opposera pas au cautionnement. Alors, Pierre Lamontagne s'empresse de nier. Et là, les complices de Rivard téléphonent, dont un qui appelle Pierre Lamontagne pour le menacer. Des adjoints du ministre Favreau multiplient les coups de fil, veulent savoir où en est le cautionnement. Et ils le font à la demande du député de Dollard, région de Île-Jésus, Guy Rouleau, qui intervient en partie au nom des amis de Lucien Rivard. Puis finalement, c'est Guy Rouleau lui-même, adjoint parlementaire de Lester B. Pearson, là, c'est pas n'importe qui, là, la filière politique, et qui appelle le procureur, Lamontagne, pour s'informer et souligner que Lucien Rivard est un donateur bien utile au Parti libéral et en période électorale. Il y en a beaucoup des élections à cette période-là. Le scandale, il éclate comment? Parce que c'est en novembre, le 23 novembre 1964, que ce scandale-là éclate publiquement. Comment ça se passe? Dès le mois d'août, Lamontagne, exaspéré, a prévenu la GRC. Guy Favreau a regardé le dossier, lui, au mois de septembre. Il estime qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour porter les accusations. Et le scandale éclate aux communes quand deux députés, T.C. Douglas, chef du NPD à l'époque, Parti néo-démocrate, et Eric Nielsen, un habitué de la GRC, qui a eu beaucoup de fuites de la GRC. Alors, ils sortent ça aux communes. Alors, ça fait un énorme scandale. Et là, le ministre Favreau, trois jours après, là, il annonce qu'il va créer une commission d'enquête. Il croit que son intégrité est mise en cause. Vous allez l'entendre, il prend ça très, très au sérieux. On l'écoute le 26 novembre 1964, le ministre de la Justice, Guy Favreau. Depuis lundi dernier, la Chambre des communes est la scène d'allégations graves contre des personnes associées au gouvernement. Soucieux de jeter la lumière la plus complète sur ces prétendus faits, le cabinet, sur ma recommandation, a ordonné qu'une commission judiciaire indépendante les évalue sans délai et sans restriction. Si coupable il y a parmi les personnes mentionnées, ils seront punis. Si erreur est prouvée dans ma propre conduite, j'accepterai loyalement les jugements à ce sujet. Mais si aucune de ces allégations n'est soutenue, le Parlement lui-même, je crois, comme l'a fait récemment l'Assemblée législative du Québec en pareil cas, saura exiger de messieurs Diefenbaker et Nielsen une rétribution à la mesure de l'immense injustice qu'ils auront commise. Je tiens à remarquer enfin que dans tous les journaux et à la radio, aucun commentateur n'a mis en doute mon honnêteté ou mon intégrité morale en cette affaire. Bien au contraire, pour moi, c'est tout ce qui m'importe vis-à-vis d'une famille que j'adore et d'une foule d'amis qui n'ont cessé de me supporter depuis le début de ces injustices. Alors, le ministre Favreau, Guy Favreau, prend manifestement très au sérieux ces histoires de rumeurs, d'allégations qui courent dans l'affaire Lucien Rivard. Ça va donner quoi, cette fameuse commission qui est créée, Marc? Ben, Raymond Denis, on juge très répréhensible, même criminel ce qu'il a fait, celui qui a offert le pot de vin. Guy Rouleau, des ingérences non poursuivables, mais répréhensibles, dit le juge Frédéric Dorion, qui préside la commission d'enquête. Et à l'égard de Favreau, ben, il aurait dû consulter. Il était accaparé par sa fonction de leader parlementaire, mais il aurait dû consulter les gens de son ministère pour prendre une décision plus solide. C'est un blâme, c'est très mitigé au fond. Mais Favreau est très ulcéré de tout ça. C'est un homme de droiture, vous l'avez entendu. Il remet immédiatement sa démission et on lui donne au cabinet, dis-je, des fonctions beaucoup moins importantes. Ouais. Cette affaire-là, l'affaire Lucien Rivard, ça pourrait s'arrêter là, cette émission-là, mais non. Ce n'est qu'une partie de l'affaire parce que pendant que siège la commission sur cette affaire Rivard, le principal intéressé, Lucien Rivard, s'évade de la prison de Bordeaux, ce qui, dans le contexte politique de l'époque, évidemment, ne fait qu'envenimer les choses. Écoutez la réaction de Daniel Johnson, qui est chef de l'Union nationale, chef de l'opposition officielle à Québec à ce moment-là, extrait de l'émission Caméra 65 du 14 mars 1965. Comment a-t-il pu s'évader aussi facilement? Comment expliquer qu'on n'ait pas pris des précautions spéciales pour prévenir toute occasion pour Rivard de s'évader comme il l'a fait, puisque Rivard, d'après un rapport d'une sous-commission du Sénat américain, serait au centre d'un commerce de 350 millions de dollars par année, commerce de drogue, qu'il est l'homme, d'après toujours cette commission, numéro un de la pègre au Canada, ou du moins à Montréal. Troisièmement, que M. Rivard ait fait l'objet depuis le 19 juin d'une publicité un peu extraordinaire, qu'on ait dit de lui qu'il avait offrir de l'argent, un montant de 60 000 $ pour qu'on ne s'oppose pas à son cautionnement qu'il demandait dans le but évident de prendre la poudre d'escampette s'il avait été remis en liberté de Bordeaux. C'est inexplicable, sauf qu'il y ait dans le parti au pouvoir, tant à Ottawa qu'à Québec, des gens très bien postés qui ont intérêt à ce que Rivard disparaisse parce qu'il en sait trop. Alors, comment Lucien Rivard réussit-il à s'évader de la prison de Bordeaux, Marc Laurendeau, puis sur ce que soulève Daniel Johnson? Est-ce qu'il y a un lien entre son évasion et ces gens en place à Québec et à Ottawa, comme le sous-entend M. Johnson? Il y a une version romantique de l'affaire, c'est-à-dire qu'il demande à Lucien Rivard d'aller arroser la patinoire de la prison de Bordeaux avec un autre détenu, André Durocher, qui est un habitué de ce genre de tâches. Mais là, il fait quand même 4 degrés, là, arroser une patinoire. Les deux lascars alignent les boyaux sur la muraille et s'évadent. Ça, c'est la vision romantique. Le Québec tout entier est ébahi par l'audace des deux détenus qui ont mis les rieurs de leur côté. Là. Ouais. La version plus probable, ils ont eu des complicités de l'intérieur. Rivard est un homme de réseau qui a de l'argent. Il pouvait chudoyer les gardiens, le silence des autres détenus. Les deux fuyards ont pu, une fois arrivés dans la chambre des boyaux, avoir accès à une échelle, à des clés. On a trouvé un trousseau de clés dans la voiture de leur fuite. Alors, ce que dit Daniel Johnson a un certain bon sens. Les gens à Québec, on a déjà un scandale à Ottawa, on ne veut pas ouvrir une boîte de Pandore à Québec. Là. Il y a du vrai dans ce qu'il dit. Bon, il met un peu haut le pot de vin, ouais. C'était 20 000 et pas 60 000, mais il fait, une insinuation politique, mais qui a un certain fondement, c'est-à-dire qu'à Québec, on ne va pas se retrouver avec un autre scandale sur les pénitenciers, ouais. Notamment sur la prison de Bordeaux. Mais ce qui se passe, c'est qu'en chambre, on fait circuler le pistolet en bois, maquillé de noir, qui a servi à l'évasion. Les députés regardent ça. Claude Wagner, ministre de la Justice, ouais. Le père de l'actuel juge en chef de la Cour suprême, lit les lettres pendant que Rivard est en cavale, oui. Il lit ses lettres dans le cadre solennel de l'Assemblée nationale. Oui, parce que cette cavale qui va durer 136 jours, ça devient en soi une autre croustillante tranche de cette histoire de Lucien Rivard. Écoutez d'abord, et les gens vont... Cette affaire-là, elle est très suivie. Écoutez d'abord ce micro-trottoir réalisé par Pierre Paquette le 8 mars 65, quelques jours seulement après l'évasion de Lucien Rivard de la prison de Bordeaux. Bonjour, madame. Vous avez entendu parler de l'évasion de M. Rivard, hein? Certainement. Qu'est-ce que vous pensez de ce gars-là? Ah, oh, c'est un homme qui est très smart. Bonjour, madame. Ah, moi aussi, je le trouve bien gentil. Si on le compare à Arsène Lupin, on le compare aux grands bandits qui ont vraiment entendu parler de ça. Un héros, un grand héros de l'histoire. Un bon canadien, c'est un wild. Je pense qu'il est rudement intelligent. Ben, je lui dirais, donnez-moi 10 000 $ puis je vous dénonce pas. Bien, c'est un. Faut pas y enlever son mérite. Il a réussi à sauver de prison. Un bon gars. Un bon gars. Comme Al Capone dans le temps. J'ai recouvert la police, je le laisserai libre. Ouais. Il était assez longtemps en prison, voilà ça, 8 mois. C'est-tu un type dangereux, ça? Ben, je le crois pas, parce que c'est un père de famille, et puis... Bon, tu sais, il y a des pères de famille qui sont dangereux. Oui, mais de notre côté, c'est pas un criminel. Non. Alors, comment expliquer ce qu'on vient d'entendre, ce mouvement de sympathie à l'endroit de Lucien Rivard, Marc Laurendeau? C'est un criminel dangereux, quand même, un trafiquant de drogue. Ouais. Les gens oublient ça, mais il sait soigner son image. Il envoie des lettres d'un peu partout, de Vancouver, de Barcelone, à Windsor, prétendument parce qu'il est caché à Châteauguay, c'est là qu'on va l'arrêter. Et il sait se montrer gentil. Il écrit une lettre au directeur de la prison, Albert Tanguay, pour lui dire « Oh, j'ai un peu rudoyé vos gardiens. Ouais. Nos liens étaient peut-être un peu trop serrés pour les attacher. » Il joue le gentleman. Ce terme Arsène Lupin là, qu'on a entendu, même Jean Lesage l'a employé. Alors, la population, à son égard, a un peu perdu ses repères. Et ça, ça explique pourquoi il était si populaire, paraît-il. On finit par le retrouver donc dans un chalet au Québec. Qu'est-ce qu'il devient? Que vont devenir les principaux protagonistes de notre histoire? Commençons par Lucien Rivard. Lucien Rivard? Extradé, finalement, subit son procès à Laredo, au Texas, 20 ans de prison. Il revient à Québec en 75, au Québec. Il mène une vie discrète jusqu'à sa mort à Laval en 2002, à l'âge de 86 ans. Raymond Denis, condamné à 2 ans de prison. Ouais. Guy Favreau sera moins chanceux, le ministre de la Justice, que Lucien Rivard. Il s'était fait imposer la tâche de leader parlementaire. Il n'était pas fait pour ça. C'est un job où on se fait faire... On renie sa parole, on se fait faire des coups bas. Il était trop honnête pour ça. Et ça le déstabilisait. Il n'avait pas assez de temps à consacrer à la justice. Et l'affaire Rivard va lui porter un coup fatal. En un an, il va passer de 200 livres à 100 livres. Et... on va le nommer à la fin juge de la Cour supérieure du Québec. Il avait toutes les qualités pour ça, mais il n'avait plus la santé. Ouais. C'était au fond pour donner une pension à sa veuve. La politique va l'avoir tué, cet homme-là, au fond. Vous avez raison. Qu'il va mourir. Guy Favreau est une victime de la politique. Ouais. Oui. Un mot en terminant, parce que c'est rocambolesque, je le disais d'entrée de jeu. On regarde ça aujourd'hui, avec nos yeux d'aujourd'hui, on se dit ça se peut pas, une telle machination, un tel scandale politico-judiciaire. C'est le reflet d'une époque. Une époque où on connaissait mal la séparation des pouvoirs, l'autonomie qu'il faut laisser au judiciaire, le financement des partis ouvrait toute grande la porte à des interventions, des ingérences comme celle du clan Rivard. Et on a appris depuis, il faut le concéder, on a appris depuis, mais les commissions Gomery, vous vous rappelez, Pastarache et Charbonneau nous ont appris que les problèmes ne sont pas tous réglés. Ouais. Mais c'était une époque... C'était la loi de la jungle, presque, à cette époque. Marc Laurendeau, journaliste ami de l'émission, c'est toujours un bonheur de vous recevoir. Merci, Marc. C'était plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.